Salut à tous et bienvenue au deuxième épisode d'Attends perdu. Ici votre hôte, Gabriel Bouvier-Pelletier. À l'origine, je n'avais pas l'intention de faire des introductions comme celle-ci pour ce projet. À l'avenir non plus d'ailleurs. Je l'ai fait cette fois-ci pour adresser le problème des épithètes raciaux. Puisque nous parlons ici de l'album To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, l'utilisation de ces épithètes semble inévitable. Après tout, ces termes sont utilisés constamment dans les chansons, dont une bonne partie des thèmes sont la culture et l'histoire des Afro-Américains. La culture des quartiers pauvres, des ghettos Afro-Américains, comme la ville de Compton, les gangs de rue, et ainsi de suite. J'aurais tout de même préféré passer à travers cet épisode sans utiliser ces mots puisqu'ils sont chargés de significations historiques, blessantes, à l'égard de ce qu'ils visent. Mon co-animateur Louis croit qu'il est acceptable de mentionner les épithètes raciaux dans le contexte de l'analyse d'une œuvre. Une position que je crois être tenable et avec laquelle je suis potentiellement en accord. Sauf que dans un contexte public, médiatique, je crois qu'il est nécessaire d'avoir une conversation, une délibération à ce sujet. Un débat qui n'a pas eu lieu avant l'enregistrement de cet épisode. Dans tous les cas, nous nous sommes entendus qu'il serait préférable de faire cette introduction en guise de tentative d'avoir cette délibération, ou, du moins, d'avertir que cet épisode inclut du contenu qui peut être dérangeant. Merci de votre écoute et bon épisode. Salut à tous et bienvenue à l'épisode 2 d'Attends perdu. Je suis votre hôte, Gabriel Bouvier-Pelletier, en compagnie de... Louis Filiatro, son ailier de toujours. Fidèle compagnon. Ouais, si on peut dire ça, ouais. De toujours, depuis au moins 12 ans? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, hein. Ça ressemble. Comment ça fait un bout? On s'est fait une grosse commande pour ce deuxième épisode quand même. Hein? Pas mal. Et on la reporte depuis un bout, justement à cause de la lourdeur de la tâche. Ouais. On a deux bonnes choses à parler de. Qui vont être? Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Un album de 2015, oui. Un album de 1h20. Oh, j'avais oublié cette mesure de temps. Et on va aussi parler d'un manga japonais qui se nomme Oyasumi Punpun, dont je pense que les dates s'échelonnent en 2004 ou 2002 et 2013? Non, 2007 et 2013. Ah bon, ok. Presque 7 ans. C'est ça. Longue période. On va commencer avec l'album de Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Ouais, Louis, peux-tu nous dire exactement c'est quoi cet album-là pour toi? Puis pourquoi tu me l'as suggéré aussi? Ouais, ben avant de parler de l'album comme tel, je vais te parler un peu de ma... le contact avec Kendrick Lamar, l'artiste en tant que tel. Kendrick Lamar qui est un rappeur américain, un artiste qu'on peut dire qui opère dans la sphère pop, là, c'est-à-dire c'est devenu une grande vedette du rap et de la pop américaine. J'ai découvert Kendrick Lamar en 2011, lors de son apparition, étonnamment, sur l'album Take Care de Drake. Qui est un album, son album de 2011. Ce qui est surprenant de cette apparition-là, ok, c'est que c'est un album d'environ 18 pièces qui a très peu d'invités. Peut-être 3 invités. Et puis, il consacre... Il a laissé à Kendrick Lamar une pièce entière. Drake n'est pas présent. C'est comme entièrement une démonstration de talent, essentiellement. J'ai fait, oh, ok, ce gars-là, il a quelque chose de singulier dans sa livraison. Je pense que c'était après qu'il ait déjà sorti son premier long jeu, Section 80. Je l'ai écouté par la suite, j'ai fait cet album-là est intéressant, cet artiste est intéressant, c'est à suivre. A suivi en 2013 son album Good Kid, Mad City, qui a reçu un accueil critique très très très très favorable, qui s'est conclu sur plusieurs récompenses d'albums de l'année, révélations et ainsi de suite. J'ai écouté ça, j'ai trouvé que c'était un bon album de rap, mais on restait dans le rap, très classique. J'avais pas l'impression qu'on parlait d'un artiste qui transcendait particulièrement ses les frontières de ce genre-là, mais tout en réalisant un très bon exercice. Ah ouais? Ouais? Attends une minute. Ouais. Tu trouves qu'il transcende les frontières du rap avec To Pimp a Butterfly? Je dirais ça, oui, on va y arriver plus tard. C'est ça, en 2015, sort son album, et puis encore là, accueille, disons, la suite très attendue d'un album à grand succès, et puis effectivement, c'est un album qui a frappé fort. Mais pour expliquer pourquoi il a frappé fort, comment il a frappé fort, je vais présenter une anecdote. Il y a environ quelques mois, il y a un gars avec qui j'ai interagi un peu sur Twitter qui a demandé essentiellement en appel à tous. Si quelqu'un avait un album rap à suggérer qui était bon de A à Z. C'était peu après la sortie du dernier album de Kendrick qui s'appelle Damn. Puis j'avais l'impression que, ah, ok, j'ai l'impression que ce gars-là, il vient d'écouter Damn, puis qu'il est pas sûr. Il disait qu'il voulait s'intéresser au rap, mais qu'il voulait quelque chose de solide de A à Z. J'avais l'impression que, ok, il l'a pas eu là-dedans, mais j'ai dit, écoute l'album d'avant. Et puis sa réponse a été, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Je pense que c'est un chef-d'œuvre. J'ai dit, ouais, je pense que c'est quelque chose comme un chef-d'œuvre. Et puis, ça dit pour moi un peu tout ce qu'il y a à dire là-dessus, à savoir que c'est un album qui a rejoint les non-amateurs de rap, essentiellement. Peut-être même plus ceux-là que les amateurs de rap pur et dur, ça je sais pas. Mais ça a été un peu... l'onde de choc produite par la sortie de ce disque-là. Toi, qu'en as-tu pensé, Gabriel? Ben, là, j'ai écrit un beau petit texte, OK? Ouais. J'ai essayé de le lire verbatim. Mm-hmm. Je sais pas à quel point ça va changer mon intonation ou même le vocabulaire que j'utilise. Okay. Mais j'essaie de faire mon professionnel. Donc, Radio-Canada, Télé-Québec... Ben, je veux dire, on fait ça pour ça, hein? Clairement. Tout ça est une carte de visite, essentiellement, pour un avancement professionnel. Professionnel et social. Ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est... Quelle transition! Ouais, vas-y! Donc, la chose que... C'est quand on me demande d'écouter et d'analyser un album d'hip-hop, je peux juste approcher le genre comme un néophyte. Mes connaissances de musique sont surtout en heavy metal. Ouais. Et toutes ces multiples déclinaisons qu'on peut trouver. On en a eu un exemple à l'épisode 1 où on parlait de Protest the Hero. Ouais, là où je pouvais comme commencer à dire « Oh, mais ça c'est un peu plus prog, c'est pas vraiment power! » T'étais dans ta zone de confort. Ah oui, comme clairement. Là, avec un album de rap, je le suis pas. Je pense que pour toute analyse critique que je peux faire d'un album comme ça, ça va être une analyse lacunaire parce que j'ai un manque de perspective historique. Puis ça, c'est très important pour cet album-là. Ouais, quand même. Le dernier album d'hip-hop que j'ai vraiment trippé dessus, puis c'est probablement le premier que j'ai vraiment trippé dessus, c'était My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Ouais, album de 2010, très très bien reçu à l'époque. Ouais, effectivement. Album qui est sorti il y a 7 ans. Ouais. J'ai découvert un peu en retard autour de 2011. Mm-hmm. Peut-être fin 2010, début 2011. C'était, pourquoi tout le monde en parle? Je vais l'écouter. Je suis tombé sur la tune Power. La tune Power que... Grosse tune. Il y a du power. Ouais. Puis mon seul contact avec la culture depuis ce temps-là, la culture hip-hop, c'est des vieilles affaires comme, mettons, The 36 Chambers of Wu-Tang. C'est un classique. C'est un classique. Je me suis dit, faut que je l'écoute à un moment donné. Mm-hmm. Puis du Dead Grips. Qui encore là, on s'entend qu'on flirte avec l'avant-garde quand même. C'est de la musique... Dead Grips, c'est pas du rap, c'est pas du hip-hop, c'est plus de l'électro, c'est plus du noise, c'est fait pour t'agresser. On est dans la sphère du lourd. Là. Ouais. Fait que je me suis dit, ok, cool, je vais laisser une chance à To Pimp a Butterfly, je vais l'écouter. J'ai fait les premières écoutes que j'ai faites avec l'album en arrière-plan. J'ai mentionné que je faisais la même chose avec l'album de Protest the Hero. Ouais. Avec l'album de Protest, il y a des moments comme vraiment forts, vraiment musicaux qui viennent te saisir. Tu fais que, ah oui! Ça, c'est un moment que je retiens, malgré des fois certaines pièces qui ont des moments plus lacunaires. Ouais. Donc, j'ai fait la même chose avec To Pimp a Butterfly. En faisant autre chose, j'ai écouté l'album. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune vraiment accroche quand tu l'écoutes de loin. Okay. C'est juste passé dans le beurre. T'sais. C'est une écoute de 1h20. Puis si t'as pas. Si mon attention n'est pas investie dans l'album, il n'y a pas grand chose à retenir. Ça m'a quand même intrigué parce que tout le monde a de l'air d'avoir une bonne opinion de cet album-là. C'est ce que tu penses. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, y a aussi une affaire qui m'a comme dérangé un peu, c'est que la première tune de l'album, la première vraie pièce, quand Kendrick commence à chanter le refrain, tu sais, c'est « t'étais ma première blonde, puis je voulais juste fourrer, pis ça, puis c'est ce genre de rap-là. » Ouais. C'est la première chose avec laquelle tu rentres en contact, cette espèce de comme vulgarité-là. C'est très traditionnellement associé au genre, effectivement. Ouais. On pourra en reparler plus tard de la vulgarité et comment ils l'utilisent, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder quand même. OK. Mais en tant que premier contact, tu fais comme « OK, ouais, il parle de graines. » Ouais. D'ailleurs, t'es la deuxième pièce de l'album. Même chose. Ben, « Graines » est pas gratuite. Ouais. Littéralement. Ouais. « This dick ain't free. » Ouais. Donc, je me suis dit, je vais faire une écoute active. J'ai ouvert la page de Genius. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est genius.com. T'as toutes les paroles de rap, t'as plein d'annotations. J'ai commencé à lire les paroles, puis j'ai écouté l'instrumentation. La première chose que j'ai remarqué, c'est que c'est pas un album qui met beaucoup d'éclat dans sa musicalité. C'est pas un album qui essaie d'immédiatement t'en mettre plein la vue. T'es, contrairement à My Dark Twisted Fantasy de Kanye West, que c'est un album qui est maximaliste. Il met de la musique, il met des affaires partout. C'est un peu ce que je t'interromps un instant. C'est un peu la méthode Kanye. Dans son dernier exemple de Life of Pablo, sa première chanson, c'est aller la chorale gospel. Il y a un aspect céleste à la chose. Il veut plein la vue et la bonne façon de dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tandis que là, t'arrives avec Pimp. Oui. Et le truc, c'est que c'est pas rempli. C'est pas dans tous les coins, il a pas mis tout ce qu'il pouvait. Okay. Je pense qu'il a essayé de faire un genre d'hommage. Ah oui. C'est surtout dans le détail fin. Ouais. C'est détaillé et c'est fin. C'est comme si tous les éléments étaient organisés par une recherche d'un but précis. Mm-hmm. Le but précis n'est pas nécessairement de pousser la chose le plus loin, mais d'en montrer l'amour. Mais tu parles de l'ouverture de l'album, je veux dire, cette ouverture-là, on est en plein funk, en fait. On est loin du rap attendu. Il y a d'ailleurs la présence de George Clinton, qui était le leader de la formation funkadelic dans les années 70. C'est pas anodin. Il est là pour chanter un peu. La chanson est produite par Flying Lotus. Ouais, j'allais en parler justement. C'est ça, qui est un producteur, réalisateur de rap. Hip-hop instrumental, souvent parfois assez psychédélique, donc on est ailleurs que où on pourrait s'attendre, disons. Ouais. Mais juste pour dire, j'ai pas l'impression que un sample de funk, c'est nécessairement quelque chose qui est extraterrestre rap. C'est vrai. Par contre, si on regarde, mettons, les instrumentations de Wu-Tang, qui prennent justement plein de samples de plein d'affaires différentes qui les mettent ensemble. T'sais, comme je dis, je suis un néophyte à la chose, j'ai pas nécessairement le bagage pour pouvoir en parler de manière particulièrement cohérente, mais c'est pas nécessairement surprenant. C'est juste une bonne ouverture, qui a du funk. Mais c'est ça, fait que j'ai pas l'impression qu'il essaie de repousser les limites du genre. Mais tout de suite. Qu'il veut surtout en rendre hommage à ce qui est venu avant. C'est la deuxième chose que j'ai remarqué. C'est qu'il y a beaucoup d'inspiration du hip-hop des années 80-90. J'ai beau pas écouter beaucoup de hip-hop, pas en avoir écouté beaucoup. À un moment donné, c'était présent partout, à la fin des années 90. Surtout, début, en fait, des années 90 au complet. Il y avait, en plus, que j'écoute du métal, il y a plein de groupes qui ont fait des expérimentations avec le métal, comme Public Enemy. La fin des années 80, oui, effectivement, mais la fin des années 90 est un peu fameuse ou infameuse, qui est pas un mot français pour le new metal ou bien le rap metal, et où il y a vraiment une fusion qui a été tentée par plusieurs groupes américains. C'est un genre sur lequel j'ai beaucoup trippé moi-même ayant eu 12-13 ans à l'époque de son apogée, mais avec le recul on peut réaliser que c'est quelque chose qui avait beaucoup de limites aussi là, comme sous-genre, disons. Ouais, mais c'était souvent fait par des blancs, notamment. Donc, je pense que j'avais lu quelque chose qui disait que Kid Rock, au début c'était un rappeur, ça pognait pas son truc parce que t'es était dans le sud, etc. Fait qu'il a décidé de faire comme du rock sudiste à place. Puis c'est là qu'il a commencé justement à pogner. À rejoindre un public. Ouais, c'est ça. Fait que c'était présent à la fin des années 90. T'as été familier avec ça. C'est présent dans les films, c'est présent partout, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est comme la chanson King Kunta, juste pour donner un exemple. Ouais. C'est une chanson qui a une instrumentation. On parle de la troisième pièce de l'album de Kendrick dont on parle. C'est qu'on va revenir tantôt. Ouais. Mais je l'utilise juste comme exemple présentement pour dire ça, c'est une instrumentation. T'es début 90, total. Okay. Que je connais surtout à cause qu'il y a des émulations de ça dans le jeu Grand Theft Auto San Andreas. Et le petit son. C'est un des objets culturels, je pense, qui peut constituer une des meilleures initiations aux portes d'entrée dans cette culture-là. Grand Theft Auto San Andreas de 2005. J'y ai joué l'été dernier, puis je peux dire que c'est encore le cas. Et en même temps, le son, de ça repousse pas nécessairement les limites immédiatement, mais ça le fait en profondeur parce que c'est un album qui est quand même assez jazzy. Ah, oui, oui, oui. À cause... Assurément. À cause de la présence de Flying Lotus, je t'ai regardé c'était qui ce gars-là. Oui. Socialement, ses parents, c'était des gens qui faisaient du jazz. Il vient d'une... Ou ses oncles et ses tantes. En tout cas, il vient d'une lignée de jazz persons. Oui. Comme assez fameuse, je pense. Mm. Ça paraît beaucoup dans les chansons qu'il fait. J'en ai écouté un peu. C'est des trucs qui sont pas faits juste en 4-4. Non. C'est, faut que tu brises un peu ton rythme pour pouvoir être capable de les suivre. Ça change beaucoup, ça saute. La très souvent, la basse que tu vas retrouver dans Flying Lotus est une basse jouée par l'artiste Thundercat, qui joue aussi la basse sur à peu près l'ensemble de To Pimp a Butterfly, dont la première chanson. Donc, c'est pas des échantillons de basse qu'on entend, c'est de la grosse bass avec des pédales d'effet, t'sais, du wah-wah, qui est très humaine essentiellement, c'est pas de la programmation. Puis dans ses albums personnels aussi, Thundercat, il s'adonne à toutes sortes d'expérimentations. Juste pour dire, Thundercat, c'est aussi quelqu'un qui a joué avec Suicidal Tendencies. Ah ouais, hein? Ouais. Tu m'en apprends une. Un groupe de... pour donner un autre genre de métal, c'est du crossover trash. Ok, ouais. Moi, j'appelais ça du punk, là, personnellement, mais peut-être que t'as l'air de connaître mieux ça que moi. Ça rentre dans le métal, on n'a pas besoin de s'étendre sur la question. Ok, ok. Mais c'est reconnu comme un des premiers groupes qui a amené l'espèce de look gangster, de comme South Central LA, latino, au métal. Ok, ok. Ouais. Le chanteur, je ne me rappelle plus de son nom, il est tellement drôle. Il a toujours une espèce de gros bandeau bleu là, qui cache comme presque tous ses yeux. C'est un gars qui faisait de la musculation comme super beef. Suicidal, c'est très drôle. Puis d'ailleurs, ils ont un... c'est drôle le suicide. Ouais. On va d'ailleurs en reparler plus tard. Ah, d'ailleurs, certains membres du groupe Suicidal Tendencies ont un projet funk à côté qui s'appelle... c'est soit Infectious Grooves ou Sarcipius Arc. Il y a un qui c'est le nom de l'album, l'autre c'est une man. Okay. Ouais, c'est drôle à regarder. Bon. Bref, il y a de la vraie musique dans l'album To Pimp a Butterfly. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est le fun, ça paraît. Ouais. C'est pas mal plus chaud. Tout à fait, oui. Alors, si on compare justement au dernier album de Kendrick Lamar, Damn, les plus gros succès qu'il y a eu jusqu'à date avec, ce sont des productions hip-hop très, très, très classiques, où les beats sont très clairement programmés et artificiels. Puis, moi, personnellement, c'est pas un album. C'est un album qui me déçoit et me frustre, mais bon, c'est pas, on n'en parle pas présentement, mais grosse cassure avec le style d'ensemble de cet album dont on parle. Il y a quelque chose que j'ai remarqué avec l'album. Mm-hmm. Je dis, je vais lire les paroles. Sur Genius, il y a des annotations qui permettent de lire des interprétations ou les références. Puis, l'album est rempli d'un champ référentiel énorme. Incroyable. Sur l'histoire du rap, sur l'histoire du hip-hop, des références à Ice Cube. Oui. Tupac Shakur, évidemment. Oui. Nécessairement. Nécessairement. On y reviendra. On y reviendra. Ouais. Snoop Dogg. Snoop Dogg qui est... Snoop Dogg est présent. Ouais. Il est présent aussi, littéralement, par sa voix. Par sa voix, de manière quand même assez audacieuse. On y reviendra tantôt. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Mm-hmm. C'est quand même cool ce qu'il fait avec. Mm-hmm. Puis, juste ça, ça représente comme une énorme charge de travail si tu veux déconstruire l'album, son champ signifiant. Tu parles d'histoire du rap, mais on parle aussi de l'histoire des Afro-Américains aussi, là. Ouais. Et l'histoire, peut-être même, de... J'hésite à employer le mot race, mais essentiellement le peuple noir dans son ensemble, jusqu'à ses racines africaines. Oui. Il va jusque-là, je pense. King Kunta? Notamment, oui. Mais aussi, le fait que, une fois que tu as regardé le champ référentiel de l'album, les hommages musicaux, ouais. Tu te poses la question, t'as à qui s'adresse l'album? Mm-hmm. Moi, je me suis posé la question, après que tu aies lu les paroles, après que tu aies entendu la musique, tu dis, cet album-là, il vise qui? Clairement, cet album-là n'est pas fait pour un grand public. Pas nécessairement, non. Il est pas fait pour nous. Ce qui est pas particulièrement, et alors que lorsque tu écoutes le dernier disque de Kendrick, il semble fait pour un très grand public. Ah ouais? Par comparaison. Ouais. Non, mais tu peux commencer, tu peux partir du grand, dire, OK, cet album-là, il n'est pas fait pour la majorité blanche de l'Amérique du Nord. Il est peut-être fait plus pour les Afro-Américains, mais même là, je pense qu'il ne parle pas à toutes ces personnes-là. Non. Il l'a dit lui-même en entrevue, moi, je me parle à moi-même, ce qui fait référence à beaucoup de paroles au niveau de certaines chansons d'album. Ouais. Mais je pense que plus précisément, il lui dit que c'est pas à soi-même, mais c'est une manière un peu de se désengager de son propos, peut-être juste pour dire que regarde, okay, je veux pas trop dire d'affaires. Ouais. Mais je pense qu'il s'adresse spécifiquement aux gens de Compton. Mm-hmm. Ouais. S'adresse. Qui est l'endroit d'où il vient, essentiellement, le quartier de Los Angeles, qu'on a beaucoup connu à travers notamment la musique de NWA. Et puis. Le film Boys in the Hood, qui a été un film de 1990, qui se situait dans ces nuits-là. Ça a mis ça sur la carte, essentiellement. Puis je pense qu'on peut prouver qu'il s'adresse vraiment à ces personnes-là. Ouais. Quand tu prends surtout deux chansons, The Blackberry puis la chanson I, oui, tout à fait. Qui est une chanson qui a été le premier single de l'album et qui a reçu un Grammy, justement. Ah ouais? La chanson. C'est drôle parce que j'ai écouté la version originale. Je préfère la version sur l'album. C'est ça. Il a reçu ça pour la version originale. Ah ouais? Ouais. La version sur l'album est tellement meilleure. C'est particulier, hein? Ouais. Il revient encore. Ouais. Fait que ouais, à travers ces deux chansons-là... À travers ces deux chansons-là, tu vois que il parle aux personnes avec qui... Il a vécu. Ouais. Parce que Kendrick Lamar, c'est un gars qui vient de Compton. C'est un gars qui était dans des gangs de rue. Ouais. C'est un... En même temps, c'est un gars très intelligent, un étudiant comme straight A. Ouais. Mais que par la force des choses, par son contexte social, il a été obligé comme de... Il a eu la pression pour se joindre à ses modèles répressifs à l'intérieur de sa propre culture. Ouais. Et à travers l'album... Il essaie d'établir un genre de discours pour réveiller les gens, les sortir de ce marasme-là. Mais de cette façon-là, c'est vraiment la suite essentiellement parfaite à son album précédent. Que Good Kid, Mad City est essentiellement un témoignage de son vécu à Compton, de certains épisodes marquants de sa jeunesse-là. Et éventuellement, le début de son retrait, puis de son départ, puis pour de nouvelles aventures, essentiellement. Puis ben, To Pimp a Butterfly montre justement cet élargissement-là. Il plane un peu au-dessus, mais c'est un peu le témoignage de « Ok, j'ai vu maintenant toutes sortes de choses à l'extérieur de l'endroit d'où je viens. Maintenant, je vous le ramène. » Au lieu d'être juste le compte-rendu, disons, de ce qui s'y passe. C'est pas mal ça que j'ai à dire à propos de l'album comme tel. Dans son ensemble. Ouais. Son ensemble. Toi, je sais que t'as beaucoup de notes sur les chansons comme tel. Ouais, bon, écoute, on peut commencer à les décomposer plus ou moins brièvement, une par une. Je sais pas où ça va nous mener, mais allons-y. Je pense que c'est important de noter que la première chanson, qui se nomme Wesley's Theory, commence avec un échantillon d'une chanson jamaïcaine qui a peut-être été un succès dans les années 70, quelque chose comme ça, mais... La parole qui est dite et répétée est « Every nigger is a star », donc qui était déjà dans la chanson d'origine un appel à essentiellement l'amour de soi. Et puis considérer soi-même qu'on est quelque chose qui vaut la peine d'exister, qui vaut la peine d'avancer, et ainsi de suite. Je note que ce même échantillon-là est employé au début du film « Moonlight ». Et c'est probablement extra-diégétique parce que la chanson joue sur essentiellement les titres des compagnies de production et ainsi de suite, et ensuite le film commence. Et. T'as une minute. Ouais. Moi, je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire. Extra-diégétique. Ouais. Juste mentionner le terme. Ouais, c'est-à-dire que c'est une musique qui n'est pas nécessairement écoutée dans les lieux du film, par les personnages du film, qui n'a pas lieu dans l'espace du film. Mais en même temps. C'est très possible que le personnage dont j'ai oublié le nom, le personnage du vendeur de crack dans Moonlight, écoutait ça dans sa voiture avant de la mettre au stationnement, tout ça. Donc, le réalisateur de Moonlight souhaitait probablement faire écho à l'album de Kendrick Lamar un an et demi plus tard pour les inscrire essentiellement dans le même canon de, disons, d'art, de culture afro-américaine. On l'a dit, cette chanson-là est en plein funk, en pleine étrangeté. Il y a beaucoup d'effets. C'est chanté plus que rappé, même s'il y a des passages rappés. Et puis, c'était étonnant parce que c'est une chanson qui réfère aux problèmes liés aux impôts de l'acteur Wesley Snipes, qui a été, je sais plus, qui a été inculpé de tout ça. Ça. Oui, il était en prison. C'est ça. Et puis, c'est une chanson sur la perception d'irresponsabilité des Afro-Américains, spécifiquement en ce qui concerne la gestion de leurs finances. C'est étonnant parce que c'est fait à travers, mettons, tu l'as dit, le refrain c'est « Au début, je t'aimais pas, ensuite je voulais juste fourrer avec toi. » Il réfère essentiellement à ses emportements, à ses débuts de succès, puis à la tentation qui venait avec ça. Et donc, il emploie toutes sortes de métaphores parfois qui sonnent très clichés, très cliché rap, c'est ça, pour parler tout de suite d'un sujet social, très concret. Mais celui-là, cette métaphore-là, j'ai plus de misère à la voir. Mm-hmm. Okay. Je la comprends maintenant avec du recul, puis après l'avoir lu sur Genius. Ouais. Mais c'est un saut d'analyse qu'il faut que tu fasses quand même pour dire, ah, il fait pas nécessairement parler de sa première blonde, il parle de son amour, d'industrie, de ce que l'industrie lui donne, ouais, etc. Ça. Mais c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Non. Ça change pas que je pense le pré-refrain, ou à un moment donné, quelque chose qui est chanté par Thunder 2-4, c'est essentiellement, en traduction, c'est dit « On n'aurait jamais dû donner de l'argent au nègre, retourner chez vous. » Excusez-moi pour l'emploi du mot nègre, c'est ce qui est dit dans l'album, « Niggas ». Donc, littéralement... On n'avait pas dit qu'on allait pas mentionner les mots... Je me suis excusé, je vais voir par la suite, je vais essayer de mieux gérer ça. Mais textuellement, on a dit « On n'aurait jamais dû donner de l'argent aux noirs parce que ça cause plus de troubles que de ne pas leur en donner. » Donc, on met carte sur table quand même assez. On passe à la deuxième chanson, et puis après le funk, on est en plein jazz. Ouais. Très, très, très, très libre, qui est arrangé par Terrace Martin, qui contribuait déjà de façon significative à l'album précédent. Et la phrase répétée tel un mantra un peu par Kendrick est « This dick ain't free, cette graine n'est pas gratuite. » Et puis... À travers cette chanson-là, il décrit ou il énumère toutes sortes de façons dont l'Amérique s'attend à ce qu'il fournisse son talent, ses services, ses contributions monétaires, sans essentiellement rien recevoir en retour. Ce qui est vraiment intéressant de cette chanson-là, c'est une pièce est décrite comme un interlude. Ouais. Et pas très longue. Pas très longue, non. Mais le débit. Ouais. Son rap. Très libre. Et très libre et très jazz très lui-même. Jazz. Et complètement fou, là. Une rapidité incroyable, mais il n'est pas contraint par une espèce de cadence constante. C'est comme entendre Charlie Parker jouer de la trompette. Ouais. Puis, tu sais, Kendrick est déjà dans une démonstration de virtuosité très très nette, là. Il met encore là 4 sur table en termes de son propre talent. Et puis, la chanson se termine par la phrase quand même. Je vais le dire en anglais. « Oh America, you bad bitch, I picked cotton and made you rich. » Donc, j'ai ramassé du coton pour toi, je t'ai enrichi. Ramasser du coton est évidemment une référence à l'esclavage. Il y a une sorte de dette non remboursée, selon le propos de Kendrick Lamar, depuis des décennies et des décennies, qui essentiellement provoque sa colère. C'est ça. Ensuite vient King Kunta, et puis je pense que t'as des commentaires, t'as quand même, cette chanson t'a frappé quand même, King Kunta, qui est un des extraits commerciaux de l'album. Ouais, des singles qui ont plus circulé, ouais. Qui a vraiment fonctionné. Ouais. Juste, quand tu commences à l'écouter, juste le rythme de la chanson. Ouais. Super intéressant. Ouais. C'est très 1990, comme j'ai mentionné tantôt. C'est plus funk quand même, c'est-à-dire, ouais. Ça fait, pour moi, je l'écoute et c'est comme si ça me remettait dans mon jeune temps ou ça me remettait en contact avec les choses qu'il y avait autour de moi, les couleurs néons, le fluo, ouais. Le Los Angeles de 1992. Ouais. Et le chant référentiel de ça, c'est quand tu regardes King Kunta qui est un personnage de Roots, oui. un livre qui a été adapté. La saga of an American Family. Ouais. Un livre qui a été adapté dans une télésérie très connue aux États-Unis, peut-être moins de nos jours, mais où le personnage de Kunta était joué par... j'ai oublié son nom, puis je ne l'ai pas noté. Mais le gars qui jouait Geordi LaForge dans Star Trek. Ok, ouais. Ouais, ouais, je le vois. Et qui animait Reading Rainbow, que j'écoutais à PBS. Ok. C'est une chanson qui est intéressante parce que... Tu sais, des fois, les chansons sont là comme « Yeah, moi, je suis bon, moi, je suis hot. » Ouais. Là, il dit « Moi, je suis bon, moi, je suis hot. Moi, je suis comme ce personnage-là, cet esclave-là. » Qu'est-ce qu'il a fait? Qui s'en est sorti. S'en est pas juste sorti. Il a refusé le nom qu'on lui donnait. Il voulait conserver son nom d'origine. Et puis, là, j'ai oublié s'il s'est fait couper les jambes pour avoir refusé de se faire donner son nom. Ou bien, si c'est ça. Mais je pense que c'est ça, l'histoire, essentiellement. En punition d'abandonner son origine. Mais il a continué quand même. C'est ça. C'est ça. Là, c'est la résilience malgré l'oppression, dans le fond. Puis aussi, je ne sais pas si tu allais ajouter quelque chose. Je n'ai pas rajouté quelque chose au niveau des paroles, mais j'allais parler un peu de la progression musicale, la chanson. Oui, oui, oui. Ouais. Je ne sais pas si tu veux dire de quoi avant. Ben, avant, une différenciation que je voudrais faire entre, disons, la tradition rap dont tu parles puis cette chanson-là, c'est qu'il adopte la manière de James Brown. Ah. Il y a un mot qu'il emploie au début que j'ai lu et que j'ai oublié de noter qui est clairement un renvoi très clair à James Brown ou à une de ses chansons. Et puis ensuite, l'espèce de livraison assez gutturale et très comme... très... je vais employer le mot garroché de la chanson. Il aboie ses paroles un peu avec beaucoup d'expressivité. Ça renvoie au personnage de scène qui était James Brown et à son énergie. Plus spécifiquement que dans la plupart des autres chansons, il emploie un autre ton, dans le fond. Ouais. Et puis, ouais, bah, je te laisse continuer sur la progression musicale. J'ai juste trouvé très surprenante, parce qu'à chaque fois qu'il revient au refrain, il y a toujours un petit élément musical qui se rajoute. Tout à fait. Ouais. Au début, la chanson a beaucoup d'énergie, ça pop. Après ça, le deuxième refrain, il rajoute une espèce de guitare triste, ouais. Pleine d'amertume. Il y a aussi les vocalistes filles qui se rajoutent en arrière. Ouais, tout à fait. Ça s'épaissit, c'est très très dynamique. Exactement. Même si c'est pas joué par un groupe en direct, là, tu parlais tantôt que la réalisation de l'album était pas particulièrement, essayait pas de remplir tous les coins, mais c'est touffu, là, faut le dire, dans cette chanson-là. Oui, celle-là, oui. Ça. Le refrain de la chanson est intéressant. Il dit Where were you when I was walking? Où étais-tu pendant que je marchais? Je pense qu'il y a une observation à faire, à savoir que t'étais où pendant que j'avais de la misère? Puis, tu vas-tu me suivre jusqu'au bout? Peu importe où c'est que je me rends. C'est quoi, maintenant j'ai du succès, puis tu veux me suivre? T'sais, t'étais où avant? Puis, tu vas-tu t'improviser comme étant mon meilleur chum, quoi que ce soit? T'étais où quand je marchais? Tout le monde veut lui couper les jambes. Parce que maintenant, il a son succès. Everybody wanna cut the legs off him. Quelqu'un va vouloir lui voler sa place. Mais non, il a souffert, il a vécu. Maintenant, il continue, ça. Il y a un courant de violence aussi. Il parle de comme I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Tu sais, il y a. Donc, je voulais tuer une couple de rappeurs, ils se sont tués eux-mêmes. Petite référence, excusez, un des thèmes les plus courants du rap, c'est la concurrence entre les rappeurs, mais la façon dont ça s'exprime, il y a un champ lexical de violence qui renvoie à son origine, qui parfois est choquante un peu, mais. C'est ça, il fait cohabiter ce champ lexical-là, ce vocabulaire-là, avec son intellect, essentiellement, à travers cet album-là. Puis ça fait des contrastes intéressants, essentiellement. Fait que, grosse chanson qui s'écoute très bien en marchant, parce qu'elle a une marche vers l'avant. Fait que ça, c'est comme, je le vois comme le début de l'album à proprement parler. Après deux chansons d'introduction plus étranges, plus expérimentales. Et puis ensuite, après ce détour plus funk, là, on arrive dans quelque chose de plus traditionnellement rap, selon moi. Snoop Dogg est là. Paul, peut-être tu voulais parler de la présence de Snoop Dogg dans la chanson Institutionalized. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment amusant qu'il parle de Snoop Dogg comme un narrateur. Ouais. Pratiquement style conte de fées. Ouais. Avec les mots qu'il utilise. Il est par-dessus, il regarde. Puis Snoop Dogg a une voix vraiment particulière, ouais. Assez douce ici. Ouais. C'est un des rares featuring sur l'album d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est vraiment comme si le show à Kendrick. Il y a des invités, mais ouais. C'est à la musique et non en tant que vocaliste. Exactement. C'est d'ailleurs pas comme, ben, tu sais, mon, mon album de référence, My Deep Dark Twisted Fantasy, la, ou peu importe comment il s'appelle, cet album-là, je me mélange tout le temps. Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ouais, oui. La chanson, c'est quoi, c'est Monsters, là? Ouais, Monsters avec trois invités, Jay-Z, voyons, il y a Bon Hiver, en tout cas, puis... Nicki Minaj. C'est elle que je cherchais. Et aussi l'autre, là, il commence le refrain, là. Ouais. Chose, Rick Ross. Oui, Rick Ross. Ouais, ouais, ouais, Rick Ross. Et, bon exemple de chanson pleine de grosses... C'est ça. De grosses pointures. Ça. Chacune de ces pointures-là a un couplet. Ouais. Chacun a sa partie. Mais il n'y a pas ça à aucune place dans l'album de Kendrick Lamar. Non. C'est le choix à Kendrick. Puis même que, je ne l'ai pas mentionné tantôt, j'aurais peut-être dû qu'à place d'avoir des acteurs étrangers, je parle des featuring, il fait les personnages lui-même. Il modifie sa voix constamment. Tout à fait. Il y en a un exemple plus particulier plus tard. Là, mais ouais. C'est pour ça que dans la chanson Institutionalized, c'est spécial de voir Snoop Dogg agir comme narrateur de conte de fées. C'est ça. Tu marquais ce qu'il disait? Once upon a time, there was... C'est ça. Il renvoie au petit Kendrick qui a grandi dans la rue. Là. Puis ce qui ressort de cette chanson-là, qui est plus ancré dans le territoire rap habituel, c'est qu'il clarifie les sentiments mêlés par rapport à l'endroit d'où il vient. Il est à la fois plein de sympathie et de loyauté pour les gens avec qui il a grandi, mais aussi, il est critique quand même de ne pas en faire davantage pour s'aider. Il les considère un peu comme des enfants gâtés parfois. Ce qu'il souhaiterait voir, c'est que essentiellement ses congénères soient conscients, lorsque certains privilèges leur sont accordés, qu'ils en reçoivent. Pas tout le temps, mais plus de conscience, plus de lucidité de la part de ses pères, essentiellement. Puis, un des derniers vers de la parole, c'est « Tu peux sortir le petit garçon du hood, mais tu peux pas sortir le hood du petit garçon. » Puis, ça résume assez bien ce qui s'exprime à savoir à travers cette chanson-là. Il parle aussi des... La chanson s'appelle « Institutionalized », qui est un peu à double sens et qui réfère aux institutions de classe, d'argent, de la peur de l'autre, du dogme. Mais aussi institutionnalisé, ça signifie être hospitalisé pour folie, donc double sens à ce niveau-là. Il n'y a pas aussi les connotations prison, t'es dans une institution. Oui, tout à fait, t'as tout à fait raison. Ouais. Fait que on continue avec These Walls, qui est une chanson plus pop. Il réfère à des murs, justement, qui décrit l'enfermement un peu quelconque dans une situation, peu importe de quelque sorte qu'elle soit. Les murs ont des oreilles, donc « if these walls could talk », si ces murs pouvaient parler. Puis aussi, il y a la métaphore sexuelle, c'est-à-dire que les murs, c'est... La chanson commence et il décrit qu'il est en train de s'adonner à la pénétration. Et donc, les murs sont aussi ceux du sexe féminin, très littéralement. Puis, c'est un peu une exploration... une chanson sexy. C'est de la pop funky, très proche du style de Thundercat, tel qu'il fait dans ses albums solo. Puis que c'est lui qui chante le refrain aussi, donc c'est pas tout à fait insignifiant. On a la chanson You, et puis là on change quand même de tonalité. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ok. Je sais pas, je sais que You est probablement plus... une chanson plus... Il y a plus d'amertume dedans. Plus intense. Ouais. C'est-à-dire, dès l'ouverture, on avait une chanson sexy, une chanson légère. Là, ici, on a des hurlements. Littéralement. Et... Ah, une chose... en tout cas, je vais y revenir plus tard. Il y a un changement d'intensité et de tonalité qui se signale à travers des hurlements. Il vient il récite un poème où il parle que je me suis retrouvé à hurler dans une chambre d'hôtel. Le fameux poème structurel. Ouais, c'est ça. On y reviendra plus tard. On n'a pas parlé encore. C'est ça. Puis, c'est une chanson très intense où il déclame plus qu'il rappe ou chante. Il y a deux parties. Dans la deuxième, c'est pratiquement, il est en larmes. On l'entend, c'est un effet sonore, mais il est en train de boire comme un trou. Là, on l'entend, tu sais, ça. Puis, ce que Kendrick lui-même dit à propos de cette chanson-là, c'est qu'il dit, peu importe. Il s'adresse à ceux qui écoutent l'album, qui se reconnaissent dans les... C'est une chanson ouvertement dépressive, c'est-à-dire... il dit « Loving you is complicated », donc c'est dur de s'aimer soi-même à cause de toutes ces contradictions. Spécifiquement... Mais il parle ici du fait que il y a des problèmes d'alcool. Kendrick a été assez candide, je pense que je peux me permettre le mot, par rapport aux problèmes qu'il a eu après qu'il est devenu populaire, dont des problèmes d'alcool, puis comment ça l'a affecté. Fait que je pense que c'est une chanson qui parle un peu de ça aussi. Mmh. Puis à la fin, il parle à quelqu'un. Il s'adresse, mais il s'adresse à qui? Tout à fait. Il s'adresse à lui-même? C'est pas clair? Quand il dit « Loving you is complicated ». Ben, quand il t'entend les sons de la bouteille, il boit. Ouais, c'est à lui-même. Puis il dit deux choses en particulier. Il dit d'abord, un ami quitterait jamais Compton pour l'argent. Donc, il se sent coupable de son exil, essentiellement. Puis il décrit aussi le fait d'avoir abandonné un ami qui était à l'hôpital, puis l'avoir essentiellement abandonné pendant qu'il était sur ses derniers jours. Puis c'est ça, son ami est mort, puis il était pas là pour être à ses côtés. Mais donc, ce qu'il dit à propos de cette chanson-là, c'est que... C'est juste pour revenir à l'ami. Oui. Après de venir te voir, on a fait un FaceTime. Exactement. C'est pareil. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, si vous écoutez cette chanson-là, puis que vous vous retrouvez dans ces questionnements-là, dans ces angoisses-là par rapport à soi-même, souvenez-vous que de cette chanson-là, You, éventuellement, vous allez vous rendre jusqu'à I, la chanson, disons, qui est dans un ton très, très différent, dont on va parler tout à l'heure. Donc, ça représente le fond du baril, essentiellement, puis entièrement intime. Il parle entièrement de sa propre personne, de ses sentiments par rapport à son rôle dans la société, et ainsi de suite. C'est pour ça que la transition à la chanson suivante, All Right, est intéressante parce qu'il passe du très très très intime au très très très social. Soudainement, on est dans une chanson qui essentiellement parle de la peur que vivent, dans laquelle vivent les Afro-Américains très souvent au quotidien, très spécifiquement en lien avec la police. La chanson, le refrain « We hate Popo, wanna kill us dead in the streets for show » exprime parfaitement cette crainte de juste du jour au lendemain, n'importe quel Afro-Américain anticipe un peu est conscient de la possibilité que sa vie pourrait s'éteindre du jour au lendemain. Ça a d'ailleurs été une des chansons qui a été reprise par le mouvement Black Lives Matter. Tout à fait. C'était une chanson, donc We Gonna Be Alright, à un moment de désespoir, à un moment de sentiment d'impuissance collectif. C'était une chanson qui était entonnée lors des manifestations et rassemblements généralement assez pacifiques. Mm-hmm. Mais bon, c'est le mouvement Black Lives Matter, quelque chose qui a été menaçant pour la population blanche. Hey, c'est comme Black Lives Matter, mais White Lives Matter aussi, ou All Lives Matter, tu sais, pourquoi vous autres plus que nous autres? Blue Lives Matter. Ouais, c'est ça, la vie des policiers. Puis ce qui ressort aussi de cette chanson-là, qui est assez, qui a une production intéressante par Pharrell Williams, donc qui est l'auteur de plusieurs grands hits. Là. Comme Happy, notamment. Mais qui a aussi Lucky, la chanson de Daft Punk. Puis, c'est lui qui chante sur cette chanson-là. C'est drôle parce que il faisait aussi partie du groupe... il a produit, réalisé avec son collègue des Neptunes, un des albums rap les plus marquants de la décennie précédente, qui est un album de Clips. Donc, les albums de Clips, produits par des Neptunes, sont des classiques, essentiellement, du genre. Et, mais bref, il fait de la musique beaucoup plus intéressante avec les autres qu'avec son propre groupe N.E.R.D. qui vient de sortir un nouveau disque, que c'est juste ça. Je pense que j'ai vu la critique sur Pitchfork. Ouais, c'est ça. Pas super fort. Ouais, c'est toujours ça, N.E.R.D. Mais c'est Pitchfork aussi, fait qu'il faut pas trop... Ouais, Pitchfork.com, allez-y si vous voulez. Ouais. Pas nécessaire. C'est une source parmi d'autres. Mais juste pour dire, je trouve ça quand même drôle que Pharrell Williams, un gars qui est connu pour sa musique qui est généralement joyeuse, chante dans cette chanson-là. Une chanson qui est très. Qui est sur le bord de. C'est une chanson sur le bord du gouffre. Ouais, tout à fait. C'est comme s'ils se disent, on va être correct. On va s'en sortir. Mais dans une position. C'est dur d'y croire. C'est ça, exactement. Dans une position où c'est difficile. Ouais, il y a trois choses que je vais juste dire rapidement à propos de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un courant essentiellement de « Je t'en supplie, Dieu, aide-nous à nous en sortir. »« My knee's getting weak. Mm-hmm. » Je me mets à genoux devant toi, fais quelque chose pour que ça fonctionne mieux. On a la troisième mention depuis le début de l'album de « 40 Acres and a Mule » qui était essentiellement, suite à l'émancipation des esclaves, C'était bon, ben, on va vous attribuer un peu d'arc de terre, puis une mule, puis vous allez commencer votre nouvelle vie. Mais de certaines façons, dans la société américaine, ils s'attendent encore à ce que les Noirs ne demandent que ça. Et donc, il y a un renvoi, une troisième mention de ça. Il y a aussi la première mention de Lucy, Ouais. qui est essentiellement une personnification de Lucifer, et qui va revenir dans quelques chansons. Chanson marquante pour les gens qui s'apparent, essentiellement, cette Ouais, année-là. c'est ça, parce que pour moi, musicalement, la chanson All Right a. Ça sonne comme rien de particulièrement marquant, Ouais. mais quand tu l'écoutes dans son contexte, Ouais, c'est ça. ça devient différent. C'est intéressant à cause de ça, mais la Ouais. chanson est pas particulièrement, et pas aussi fun que King Kunta. Non, c'est ça. Elle n'a pas l'énergie noire de Blackberry. Ouais, à laquelle on va arriver tout à l'heure. Ouais. Ensuite, on retourne avec For Sale, à un certain psychédélisme. Il complémente. Il parle encore des attentes liées à la richesse. Il n'y a pas vraiment de beat dans celle-là. C'est plus comme des espèces de clochettes mélodiques, puis une livraison assez libre. C'est ça, il y a une impression de flottement délirant, puis son flow est libre pour aller avec ça. Avec Maman, qui est la chanson suivante, il parle essentiellement du retour à la maison. Là, j'ai vécu toutes sortes de choses. J'ai parlé de mon fond du baril, j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé de la peur des Noirs. Maintenant, je reviens chez nous. Ouais, c'est il y a comme un aspect retour au bercail Ouais. qui s'amorce peut-être plus à ce moment-ci de l'album parce que on a déjà entendu le thème de pas nécessairement du regret mais je sais pas le mot pour le dire mais Culpabilité. oui c'est la culpabilité d'avoir laissé ses amis dans le hood Ouais. parce que tu sais, si on regarde la pochette de l'album C'est le haut. c'est pas juste le hood mais c'est littéralement ses amis. C'est les gens avec qui il était dans la rue, Ouais. puis essaie de leur rendre, de leur faire honneur, en fait. Pas nécessairement de leur rendre hommage, mais leur faire honneur pour être là pour eux autres. Ça, c'est une partie conceptuelle de l'album. Revenir à ses sources, revenir au bercail, redonner à sa communauté. Une chanson, quelque chose qui est répété par comme des choristes dans cette chanson-là, c'est We've been waiting for you, waiting for you. Donc, on attendait que tu reviennes. Il décrit tout son succès, il parle des excès qui viennent avec, mais aussi le retour et l'humilité qui vient avec. C'est comme, j'ai vu tout, mais ce qui m'a fait réaliser que dans le fond, je connaissais rien, c'est de venir chez nous. Ce que j'ai vu, puis qui serait intéressant de relire les paroles sous cet angle-là, c'est que le home dont il parle, c'est peut-être l'Afrique du Sud aussi dont il parle. Peut-être pas l'Afrique du Sud, mais en tout cas, il a Oui, fait. ben, parce qu'il a fait un voyage en Amérique du Sud. Exactement. Donc peut-être que c'est ça l'humanité dont il parle. Ce qu'il a vu là-bas, il s'est éloigné, puis ça a ajusté son regard sur les choses. Hood politics. Hood politics, ouais. Ici, il emploie une tonalité vocale plus juvénile, qui est assez semblable à un gros succès qu'il a eu avec Backseat Freestyle avec son album précédent. Je suis tellement comme perdu quand tu me dis ça. Non, mais c'est ça, mais ça a été un gros succès. Dans cette chanson-là, essentiellement, il adoptait la posture du jeune Kendrick à 15-16 ans qui commençait à rapper, puis qui parlait « Hey, mon pénis est gros, mon pénis, il va être dur comme la tour Eiffel, puis je vais avoir tout l'argent, puis toutes les pitons. » Ça occupait dans l'album comme une place qui référait à sa jeunesse, dans le fond. Et puis ici, on est plus dans un registre descriptif. C'est très littéral. Je cherche ici un exemple de ce que je vois, mais. Mais je veux dire, quand on parle de rap juvénile, juste Ouais, ouais. comme le premier refrain ou le premier couplet, Ouais. ils disent Hey, you brothers, boo-boo! Ouais, You're from boo-boo. boo-boo! Ouais. In the hood when you're 14 with deuce-deuce! Deuce-deuce, c'est ça. Comme, il y a un jargon très, très familier qui veut pas dire grand-chose pour nous. C'est ça. Faut que tu viennes de cet endroit-là spécifiquement. You niggas boo-boo. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Probablement que ça veut dire comme. T'es pas tes rêves, ou ben, ce que t'as vu, ça vaut C'est rien. de la merde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ce qu'il dit aussi à travers cette chanson-là, c'est From Compton to Congress, set tripping all around. C'est-à-dire qu'entre Compton pis de, essentiellement le Congrès américain, c'est juste des gars de gang. C'est la même maudite dynamique. Il n'y en a pas de différence, peu importe l'échelle de la société dont tu parles. C'est quelque chose qui est mentionné dans cette chanson-là. Qu'est-ce que tu as à me dire après ça sur la chanson How Much a Dollar Cost? J'ai à te dire que c'est la chanson préférée de Barack Obama en 2015. Et je pense que c'est une chanson où il décrit très spécifiquement un épisode, peut-être fictif ou pas, de son voyage en Afrique qu'il a fait, où ce qu'il allait mettre du gaz dans son char, possiblement de luxe. Ah oui, c'est passé en Afrique cet épisode-là? Ah ben je pourrais pas te dire, peut-être pas. Je sais pas si t'as devant moi, devant toi la preuve que ce n'est pas, mais non. Pas particulièrement. Ouais, ok. C'est ça, essentiellement, il écrit qu'il est hors de sa zone de confort. C'est ça, mais je veux dire, l'épisode, c'est une parabole, en fait. Ouais, c'est ça. Donc... il rencontre un itinérant qui lui demande un peu d'argent. La réponse, le réflexe de Kendrick est de dire « Hey, débrouille-toi tout seul. Qu'est-ce que je ferais à t'aider? Qu'est-ce que t'as fait pour mériter que je t'aide, tu sais? » Et puis, l'itinérant s'avère être Dieu. Ouais, Dieu, Dieu qui testait Kendrick. Ouais, c'est ça. Il refuse initialement de donner par principe, même s'il pourrait très facilement se le permettre. Mais il se fait mettre à sa place et dire « Hey, tu serais capable. Tu sais pas qu'est-ce qui a amené cette personne-là à cette place-là dans la vie. » Puis, le prix d'une place au ciel, c'est peut-être juste un dollar. C'est peut-être juste un dollar, ouais, c'est ça. Donc, on a ici le côté religieux de Kendrick qui revient souvent, mais qui est verbalisé très, très explicitement à travers cette chanson-là. Faut le dire, juste à travers toutes ces chansons-là dont on parle, je veux dire, on a arrêté de parler de la musique un petit peu, mais ça reste juste très fluide, très écoutable de bout en bout. Les chansons se ressemblent pas l'une après les unes après les autres, c'est... Mais j'ai une petite dent contre les refrains, que c'est juste une phrase qui est répétée 3-4 fois, des fois c'est un peu lassant. Comme All Right, notamment, ouais, c'est ça. À un moment donné, ça devient long, surtout quand le refrain il revient comme 3-4 fois. Tu l'as entendu, c'est un album de 1h20. Ouais. C'est pas les refrains qui sont intéressants, c'est les parties entre les refrains souvent. Souvent, ouais. Je vais passer rapidement sur Complexion, qui est la chanson souvent. Ah ben, c'est-à-dire. Il y a de quoi à dire. Ouais. C'est un sujet super important. C'est un sujet important. Il en revient aussi après dans The Blackberry. Ouais, c'est ça. C'est un peu un retour au registre un peu plus sexy, un peu plus pop à la Thundercat qu'on a vu plus tôt. Là où ce que cette chanson-là me déçoit peut-être un petit peu, c'est parce que son sujet est vraiment très, très, très, très spécifique, à savoir le colorisme. Donc, qui est les problèmes d'estime de soi, de discrimination liée à la couleur de peau entre Afro-Américains essentiellement. Le désir d'être plus pâle que ce qu'on est. Donc, c'est très spécifique, c'est très explicite, mais ça reste pertinent. Ben, je veux dire, c'est quelque chose qui est de plus en plus dans l'espèce de culture de masse. On entend plus souvent parler. Aussi, quand c'est pas juste par rapport à, t'sais, entre gars, c'est surtout comment les femmes se sentent par rapport à leur complexion eux-mêmes. Ouais. Et il y a eu des documentaires... À leur teinte peau. Voilà, ben, oui, c'est ça. L'intensité de leur mélanine. Anyway, oh, leur teinte peau. Il y a eu des documentaires là-dessus qui sont sortis dans les à peu près 10 dernières années, dont un fait par un dude qui joue dans Predator. OK. Où il parle, c'est peut-être pas nécessairement au sujet de la couleur de peau, mais ça parle des cheveux. Mm-hmm. Puis comment justement se rapprocher. Est-ce que le nom était Good Hair? Non, je sais pas. Okay. J'y repense là. Parce que j'avais juste vu le trailer, un long trailer, ça m'avait quand même assez affecté. Hein. C'est comme, tu sais, ces personnes-là, ils se regardent dans le miroir, puis ils s'aiment pas à cause de leurs traits, à cause de leur couleur de peau, à cause de leurs cheveux, puis ils veulent avoir des cheveux plus lisses. Ils veulent pas nécessairement avoir leurs traits provenant d'Afrique, leurs racines, en fait. C'est comme un peu un rejet de la racine. Je trouve ça affectant. Ouais. C'est-à-dire, c'est juste une importante partie de l'acceptation de soi que de juste s'accepter un peu dans toutes ses facettes. Là. Mm-hmm. Puis dans d'où on vient aussi. Sinon, on est dans le déni perpétuel, sinon, tu sais, c'est pas positif. Ouais. C'est aussi quand tu te rends compte que c'est pas juste par rapport à la culture blanche que ces gens-là ont à faire de la discrimination, c'est entre eux-mêmes. Oui, tout à fait. C'est un degré comme de subtilité qui qui peut nous échapper si on fait pas partie de ce milieu, dans le fond. Mm-hmm. Ouais. C'est ça. Puis quelque chose de troublant avec ça, c'est que souvent, je pense que, je sais pas à quel point c'est vrai, je sais que Saul Williams avait une parole par rapport à ça. Ceux qui ont le teint plus pâle, c'est souvent à cause que ils ont une certaine mixité, oui, face aux Européens qu'on est. Et que ça me rappelle d'une... Je ne me rappelle plus c'est quel album de Saul Williams, mais il dit « T'as pas à te sentir fier que ton arrière-grand-mère a été violée par son slave master. » Ouais, c'est... Ça fait mal entendre ça quand même. J'ai entendu quelque chose qui revenait à ça il y a pas longtemps, puis... C'est ça, c'est probablement quelque chose de très récurrent dans les écrits noirs. Donc, quand t'es face à la chanson Complexion, A Zulu Love Story. Oui. A Zulu Love. Zulu en fait. Love, oui. Donc, origine Zulu. T'es conscient de tout ça qui tourne autour, du concept de couleur de peau à l'intérieur de la communauté même. C'est une question ou une chanson importante à être présente dans un album comme ça. Ouais. Peut-être que je passe rapidement parce que comme elle est pas particulièrement mémorable, ça va pas être, elle a pas de quoi devenir la chanson la plus mémorable de ce disque-là. C'est un fait. Ça en est une parmi d'autres. Donc. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un prélude à The Blackberry. Ouais, je voulais juste dire trois dernières choses rapides à propos de cette chanson-là. Premièrement, il y a la participation de la rappeuse Rhapsody qui est très rafraîchissante. Ça apporte une voix féminine sur cet album-là, qui est assez rare. Il y a des voix féminines qui chantent, des choristes, whatever. Mais là, elle a vraiment comme un couplet de rap à elle-même, puis ça apporte un... Ce qui est rare sur l'album. Ce qui est rap, c'est ça. Et une des choses qu'elle dit... La chanson se conclut sur « We all in the same teams, blues and pyros, no colors and a thing. » Donc, on est tous dans la même équipe. « Blues and pyros » réfère essentiellement aux gangs de rue. Donc, la notion de couleur est aussi appliquée aux couleurs de gang. Donc, qu'est-ce que faire qu'on se divise entre nous autres? Puis on a un vers de Kendrick aussi qui dit « Je m'en sac de ta teinte de peau, je sais ce que les Allemands ont fait. » Donc, « I know what Germans done, what the Germans done. » Il n'est pas intéressé à reproduire la moindre chose que les Allemands ont fait. On sait de quoi ça parle. On enchaîne effectivement à Blackberry qui est une suite. C'est pas banal que cette chanson-là fasse suite à Complexion. Parce que justement, il parle de violence faite à... de ses congénères qui ont justement la couleur de peau plus foncée. Ouais. Et aussi, il fait référence à son hypocrisie. Ouais. Hypocrisie qu'il y a à travers les discours qu'il y a présentement, à travers probablement aussi la juxtaposition face à la chanson précédente. C'est une chanson qui est assez intéressante. Je sais pas si tu as quelque chose à dire. Ben, en fait, je me demandais, toi pour toi, l'hypocrisie dont il parle, il dit littéralement « I'm the biggest hypocrite of 2015 ». Comment tu la décris spécifiquement, cette hypocrisie-là, plus précisément? Ouf! C'est confié. Ouais, non, c'est ça. Oh. Mais essentiellement, ça se retrouve dans les quelques dernières phrases. T'sais. Ouais. C'est comme, pourquoi je suis dans la rue pour... c'est quoi son nom déjà? Trayvon Martin. Ouais, c'est pourquoi est-ce que j'ai pleuré quand Trayvon Martin s'est fait descendre? Pourquoi, on va juste utiliser cet exemple-là. Ouais. Pourquoi j'ai pleuré pour Trayvon Martin? Ouais. Quand, en étant en gang de rue, j'ai tué un doux plus noir que moi. Ouais. Hypocrite. Tout à fait. C'est la fin de l'album. Il y a de quoi se demander si c'est vrai ou pas. Ouais. Est-ce qu'il a vraiment, littéralement, simple comme ça, assassiné un de ses pères lorsqu'il était plus jeune? On le sait pas. L'album précédent, qui a beau être une chronique de sa jeunesse, le dit pas textuellement qu'il a fait ça. C'est pas vraiment pertinent de savoir s'il est directement coupable de quelque chose. C'est très possible qu'il soit indirectement coupable de la mort de quelqu'un d'autre aussi. Il y a pas... Probablement que dans ces années de flirt avec le gangbanging, il a pas fait que le bien, là, essentiellement. Fait que, ouais, l'hypocrisie, il la résume à ce moment-là. Il parle juste... Il y a des paroles tellement violentes à travers cette chanson-là. « You hate my people, your plan is to terminate my culture. » Donc, vous voulez nous anéantir. C'est comme une verbalisation essentiellement des pires peurs de ce peuple-là. T'sais. Vous avez fait de moi un tueur. Vous vous êtes enrichi sur mon dos. Vous sabotez ma communauté. Il y a une sorte de paranoïa qui est exprimée à travers ça qui est probablement assez légitime. Ouais. En soi, c'est comme une suite à All Right, la chanson All Right. Ouais, tout à fait. Où là, il rend la peur plus spécifique. Mm-hmm. puis moi, j'aime beaucoup cette chanson-là parce ouais. que musicalement, ouais. elle a un ton, tu sais, c'est triste. Ouais. Et pas le fun, c'est pratiquement apocalyptique. Ah oh, ouais, ouais, ouais. C'est très sourd. C'est ça. Et ça n'a pas beaucoup de rythme, c'est comme une musique qui s'étend, des longues notes, du synthétiseur. T'as aussi l'espèce de refrain avec... Le gars, il s'appelle Assassin, ouais. qui est juste à point comme nom d'artiste. Ouais, le gros patois jamaïcain. Ouais, exactement. Le gros accent jamaïcain, c'est incompréhensible ce qu'il dit si t'essaies de l'écouter juste de même, sans parole. Ouais. Mais tu ressens la douleur de ce qu'il dit. Puis il dit essentiellement, tu me traites comme un esclave parce que je suis noir. Tu nous donnes de la douleur parce que je suis noir. Ouais. Puis... Bon, c'est plusieurs phrases là-dessus, pas besoin de toutes les expliquer, mais c'est comme une plainte, ouais. c'est une jérémiade. Ouais, une douleur s'exprime à travers ça. Une douleur s'exprime et c'est difficile de ne pas la ressentir. Ouais. Moi, j'étais en train de travailler puis je la chantais. Genre. Ouais. Une des phrases que je trouve les plus frappantes de cette chanson, c'est « I'm black as the heart of a fucking Aryan. Je suis noir comme le cœur d'un Aryen. Mm. » Ça, c'est juste une des nombreuses façons dont Kendrick... frappe fort verbalement à travers cette chanson. Et ce disque-là, mais cette chanson-là en particulier, il fait le lien entre les guerres, entre les Zoulous et les tribus des Zoulous et des Xhosa, peu importe comment on prononce ça, et puis encore une fois les guerres de gang qui se passent à Compton. Comme quoi, peu importe où ça se passe, il y a certaines dynamiques qui se retrouvent d'une face à l'autre. C'est pour ça que c'est important que cette chanson-là soit avant ouais. celle qui suit. Chanson que j'aime pas particulièrement à cause de la grossièreté du refrain, je pense. Ok. À moins que je me trompe, là. Est-ce que tu parles de Mama Said? Ouais. Ouais. Donc, Mama Said, la chanson suivante. On a eu un retour jazzé à la fin de Black Earth. Ah non, je me mélange les chansons. Ah, ok. Donc, il y a une petite fin jazzée qui signale un retour au calme après l'aveu de possible culpabilité meurtrière. Donc, c'est encore là une chanson sur l'importance d'humilité. C'est léger, c'est décontracté. Puis, il emploie... Tu parlais tantôt que Kendrick jouait des personnages en changeant sa voix. Oui. Donc là, il pince un peu sa voix. Il parle comme le ferait un peu sa mère. C'est ce qu'il veut évoquer à travers ça, c'est la voix de la sagesse de sa mère. You ain't got a lie to kick it, my nigga. Donc, t'as pas besoin de te prendre pour un autre. Tu peux juste garder ça bien tranquille, puis on va t'accepter pareil. Puis, prends ça tranquille. Tu sais, retour à un sentiment. Encore là, on revient à All Right, qui était comme, hey, c'est dur, mais on peut s'en sortir. Petite chanson légère, qui nous amène à High, sur lesquelles tu avais des choses à dire tout à l'heure. Hein, ouais, mais c'est drôle parce que, premièrement, c'est la version live. Mm-hmm. Live ou faussement live? Ben, tu sais, en interview, il dit que c'est la version live. OK. Il dit, c'est arrivé de même. Je sais pas à quel point c'est vrai ou à quel point c'est pas vrai. Moi, je suis pas convaincu. J'ai l'impression que l'impression de live avec les sons publics et la prise de son qui est autre. J'ai l'impression que c'est peut-être une fabrication de studio. C'est pas important. Ouais. Le fait que ça soit l'impression que ça donne est important. Ouais, c'est ça. Ouais. Je veux dire, moi aussi, j'avais comme le même questionnement, mais tant qu'à y être, on va le prendre comme si c'était la version live. Parce que si tu dis... Si tu acceptes le mirage, ouais. ça a plus d'impact encore. Tout à fait. Parce que, bon, quand tu écoutes la chanson du single, c'est une chanson avec une instrumentation plus synthétiseur, okay. À moins d'énergie, je trouve, généralement. Celle-là, c'est des vrais instruments, ou du moins des samples. C'est, ça renvoie comme... Funk. Ça renvoie encore au style de James Brown, ouais. Dont j'ai parlé quand on parlait de King Kunta, mais aussi juste au rock libre, décomplexé des années 70. Ah ouais! On se lâche juste, on danse. C'est décontracté. C'est ça. Puis c'est endiablé en même temps. Ouais. C'est le fun, c'est joyeux. Ouais. Puis c'est une chanson sur l'amour de soi-même. Ouais. C'est là, finalement, tu l'acceptes. La fierté, la liberté, ouais. l'amour de soi-même. Ouais. On s'aime en tant que peuple, on s'aime en tant que personne, on s'aime en tant qu'individu. Mm-hmm. Tout ça mélangé ensemble. Là, ce qui arrive dans la chanson, c'est que dans la foule, il y a une bagarre qui éclate. Non, excuse-moi. Ouais. Là, Kendrick, en tant que messie, ouais. arrive et dit comme non, pas pendant que je chante, ouais. pas pendant que je suis là. Puis là, il fait son discours. Ouais. Comme on leur prend le mot. Ouais. On reprend le mot. Le mot étant nègre, niggas. Va falloir mettre un trigger warning avant. Désolé, mais c'est, on cite textuellement ça avec contre. On n'avait pas nécessairement besoin de le citer textuellement, mais ouais. Je pensais qu'on l'avait mentionné au début. Mm-hmm. Moi, je suis désolé pour toutes les personnes qui sont offensées. C'est drôle que ce soit moi qui dis ça. Ben oui, qu'est-ce que ouais. Mais bref, il dit, non, regarde, il y a un mot. Il y a un mot qui vient de l'Afrique. N-E-G-U-S. Ouais. Moi, j'ai regardé. Royauté. Moi, j'ai regardé, c'est un vrai mot. Ouais. J'ai fait bien attention de regarder, voir si les sources que je regardais étaient préexistantes à la sortie de l'album. T'es pas sûr? Non, oui, c'est préexistant. Okay, parfait, d'accord. C'est vraiment un mot qui existe, c'est vraiment un mot qui dit royauté. Je pense que c'est au Nigeria, je pense. Puis il dit, on est des rois! C'est ça qu'il dit, essentiellement. Donc, il déclame ça, c'est un empereur, quelqu'un qui règne. Il dit, écoutez-moi, vous devez écouter ça. Ça me rappelle un peu à, dans le film Malcolm X de Spike Lee, l'épisode où Malcolm X, joué par Denzel Washington, vit un peu sa conversion à l'islam, qui est l'islam assez radical, mais il se faisait, hey, tu sais, Jésus, il est pas blanc, hein? Il vient d'une région du monde où le monde était sombre. L'image que tu te fais vendre depuis que t'es né, d'un dieu blanc et blond, c'est une fabrication. Donc, après ça, jusqu'où Malcolm X amène cette rhétorique-là, on peut en discuter, mais c'est le genre de moment d'ouverture des horizons qui ça me fait penser un peu à ça. Aussi spécifiquement, ce moment-là où il décide de calmer la foule, semble-t-il qu'il reconstruit un épisode très spécifique d'un spectacle de James Brown au moment où le public a appris l'assassinat de Martin Luther King en 1968. Donc, il était là. James Brown lui-même a contenu la discorde de son public en s'adressant à eux en disant « Calmez-vous, on est là, on doit en profiter, nous autres, on est là. » Puis, j'ai pas écouté le discours comme tel, mais apparemment que c'est ça qui est reconstruit dans la finale assez incroyablement performée de cette chanson-là qui vire tout d'un coup au freestyle suite à une atmosphère de spectacle rock. On approche de la fin. On est rendu à la dernière plage du disque, qui est longue, mais... Oui, 12 minutes. Oui, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on va en parler pendant autant de temps. Donc, Mortal Man, chanson très calme. Après avoir passé par toutes sortes de hauts et de bas, là, on a quelque chose comme... En fait, pour moi, c'est une réponse à ce qu'il disait dans King Kunta. Il disait, où est-ce que t'étais pendant que je marchais, pendant que je faisais mon chemin? Il dit, puis maintenant, when shit hit the fan, is you still a fan? À cette heure, quand la marde va pogner, tu vas-tu me suivre encore? C'est ça. Il dit, à cette heure, là, vous me suivez, là. Jusqu'où vous allez me suivre? Je me pose la question moi-même, parce que son album suivant, je suis pas sûr de l'avoir suivi. Mais je me dis, je vais y laisser la chance. C'est peut-être un test. C'est peut-être Dieu qui me teste. Qui me dit, vais-je rester fan de Kendrick? Probablement pendant encore, à moins qu'il commette des grosses bévues. Là. Ce qui n'est pas encore le cas. Mais tu sais, la question se pose. Jusqu'où je suis prêt à suivre cet artiste-là. Puis donc, c'est une chanson où il parle de leadership, de la fidélité. Leadership, de fidélité. Une ambiance rap très classique, c'est très dépouillé. Ça ramène ça ramène l'attention sur les paroles qui sont très sérieuses, justement. C'est si telle chose arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Il sait qu'il est en train de devenir un leader, puis il exprime ses peurs face à l'inévitabilité de ça. Puis ensuite, ben, il se passe quelque chose de drôle. Ouais. La chanson, comme. Fondu vers le silence tranquillement. Là. Puis c'est quoi qui se passe? Il y a une conversation avec Tupac Shakur. Mais Tupac, il est mort. Ouais. Tupac était une superstar du rap. Juste au milieu des années 90. Ouais, il est mort en 97, je suis sûr. Ça, ouais. Ça a pas loin de 20 ans. Ouais. C'est une méga star. T'es sûr. Des milléniaux, une partie des milléniaux qui devraient s'en rappeler. Mm-hmm. Lui et puis Biggie, le gros beef. Ouais. Notorious B.I.G. Ouais. Ce qui est. Un peu plus dans cette chanson-là, justement, quand il parle de c'est qui a le pouvoir de mobiliser toute la côte ouest. Mm-hmm. Dans cette chanson-là ou dans ses, dans l'autre avec Snoop Dogg? Je sais pas, excuse-moi. Et. Bon, Tupac est mort depuis longtemps, puis pour une raison ou une autre, je sais pas si tu peux m'en parler, mais il y a comme une infatuation avec Tupac. Une infatuation? Ouais. Tu parles de général? Ouais. Moi, je pense que c'est juste parce que c'est une figure tragique, puis qu'il y a une sorte de fétichisation du mort injuste, un peu comme la figure... Tu sais, la figure de Scarface a été très une icône dans la culture hip-hop, mais je pense que c'est juste comme, hey, il était au sommet, puis là, ben, il s'est fait couper les ailes. Je pense que la raison de cette infatuation-là s'arrête à ça, puis que c'est un peu superficiel. Okay. Ce qui veut pas dire que c'était pas une icône légitime sur le plan social, telle que suggère cette conversation que Kendrick est en train d'avoir avec lui. Mais une conversation qui est nécessairement une fabrication de toute pièce. Ouais. C'est, moi, honnêtement, je sais pas trop comment en parler, mais il a pris des moments d'entrevue. D'entrevue à la radio, là, réelle, que Tupac avait fait. Que Tupac a réellement fait. Et Kendrick, il pose des questions différentes pour donner un nouveau sens aux paroles de Tupac. Ouais. Essentiellement, une autre manière de décliner l'espèce de libération de soi. Espèce de libération de son peuple qui veut que ça arrive. C'est ça. Ben, il parle de comme, moi, j'ai commencé petit, j'ai eu des occasions, je les ai saisies, je les ai pas lâchées, puis maintenant, ben, je redonne. Essentiellement, il faisait, au milieu des années 90, ce que Kendrick essaye de faire aujourd'hui. Il dit, les gens pauvres vont ouvrir, open up this whole world, ils vont l'ouvrir à ciel ouvert, puis ils vont avaler les riches avec leur pouvoir, avec leur puissance qui contiennent. Puis, qui est insoupçonné. À part de ça. Après ça, il finit, il dit Hey, Pac, j'écris un poème. Ouais, ouais, ouais. Là, il dit le poème au complet. C'est un élément structurel de l'album qu'on n'a pas vraiment parlé de. En fait, avant la conversation, il récite son poème. Non, c'est à la fin. Ok, mais c'est parce qu'il y en a deux. Okay. Peu importe. Mais il fait au complet. Ouais. Un poème qui explique le propos de l'album, qui explique le titre, en fait. Ouais, c'est quoi que ça veut dire, To Pimp a Butterfly. Ouais. Vous irez écouter l'album. Ouais. On ne l'expliquera pas ici. Ouais. Mais il récite à Pac. Et finalement, quand il dit « Qu'est-ce que t'en penses? » Tupac est juste plus là pour répondre. C'est... Je veux dire... Pac, il est plus là. Moi, c'est le moment, parce que je veux dire, c'est la fin de l'album. Je vais fou, moi. Je veux dire, tu me demandes, là. Je fais juste penser, j'ai là mon Dieu, comment ça. Ça. Parce que ce qu'il fait en fabriquant cette conversation-là, c'est que. Il fabrique un moment où il s'adresse à un fantôme. Il cherche de l'inspiration, il cherche des réponses dans un moment de doute. Il réalise un fantasme, dans le fond. Ouais. Puis on le partage avec lui parce qu'on écoute les paroles de Tupac qui dit « J'ai fait des millions pour les compagnies de disques, j'ai fait des millions pour les compagnies de films, à ce temps je fais des millions pour nous, je redonne chez nous. » Puis on se sent comme « Ouais, je pense que j'ai le goût de faire ça aussi. Puis je voudrais qu'il me continue à me distribuer sa sagesse. Mm-hmm. » Mais le fait est que c'est un fantasme, que c'est de la magie. Ça, c'est un fantasme. Ouais. La vie de Pac a été volée en partie par les institutions, en partie par la culture de laquelle Kendrick sort, puis qui veut que ça se termine, cette culture-là de comme guerre entre noirs, entre personnes de couleur. C'est toute cette tragédie-là de la mort de Tupac décline, en fait, de toutes les thèmes de l'album. Tout à fait. Puis, c'est le moment de clôture ultime, dans le fond. Puis quand il demande à Pac, il est face à quoi? Il est face à un vide. Il face au vide. À ce temps, c'est moi qui dois le remplir. Ouais. C'est le genre d'affaire que, peu importe avec quoi... Qu'est-ce qui succède à cette œuvre-là? Il y a une sorte d'achèvement dans la façon dont cet album-là se clôt que je trouve absolument bouleversant. Ouais. Ça me fait juste penser que les gens ils décrivent l'album comme étant cinématographique. Mm-hmm. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Okay. C'est pas aussi cinématographique que, mettons, l'album de Dr. Dre, Compton, où il recrée littéralement des moments de film, mais de manière sonore. Ok. Moi, je le vois plus comme un théâtre. Mm-hmm. Ou plus comme un opéra. C'est l'opéra de Kendrick. Ouais. C'est comme une grosse tragédie qui est en train de mettre de l'avant d'une manière sur une scène. C'est pas sur un écran, c'est sur une scène. Le spotlight est sur lui, c'est son show. Il y a une performance sur la multiple voix. Il y a juste sa tonalité selon le sujet. Il est là. C'est comme pratiquement le one-man show de Kendrick. Ouais. C'est très joué. C'est aussi un peu tragique. Il y a des choses dures qui se sont passées, des choses dures qui vont peut-être se passer. C'est encore pas facile de dealer avec la culpabilité et le manque d'estime, parfois. Est-ce qu'on est devant quelque chose comme un chef-d'œuvre? Ben, écoute, moi je pense que ça s'est senti à travers l'entièreté de notre discussion, mais c'est devenu, sans que je m'en rende vraiment compte, c'est devenu un des albums que j'ai le plus souvent envie d'écouter. Mettons que j'ai rien, là, puis j'ai le goût d'écouter quelque chose, je fais comme, ah, j'ai le goût d'écouter Pimp a Butterfly. Souvent, je vais écouter autre chose, mais je me dis, bah là, il faut bien continuer d'écouter de nouvelles choses, mais c'est un des premiers qui me vient en tête depuis 2015. Il y a un mélange d'expression individuelle, de virtuosité de l'exécution, puis de référentialité musicale, historique, littéraire, qui me donne l'impression que jamais je vais finir d'en faire le tour, ce disque-là. Il y a certains albums, il y a certaines personnes qui ont OK Computer de Radiohead ou quoi que ce soit. Moi, j'ai Kendrick qui légitimement offre un album profondément marquant, je pense, pour la musique américaine de la période dans laquelle on se trouve encore. On est juste 2 ans plus tard. C'est cérébralement dense, c'est très chargé de contenu, mais c'est sur le plan émotif, il y a quelque chose qui se passe aussi. Puis, tu dis c'est pas cinématographique, je comprends. Il y a quand même une trame thématique assez continue. Il y a des contrastes entre les chansons. Puis, c'est très narratif. C'est ça, les chansons se répondent les unes aux autres. Oui. Qui est assez rare. Je veux dire, c'est pas attendu de n'importe quel album musical que de autant construire ça. C'est un album concept. C'est comme le Dark Side of the Moon du rap, en fait. Ouais. C'est réfléchi. C'est libre, c'est chargé de personnalité. C'est structuré. Ouais. Puis je pourrais aussi juste donner une coupe. Ça fait partie d'une vague d'albums d'artistes populaires qui ont aussi fait des albums très libres. Il y a Frank Ocean qui a sorti un disque là, un an et demi environ. La Solange, la sœur de la superstar Beyoncé, a fait un album très personnel et qui est à peu près autant référentiel à la culture afro-américaine, musicale et historique, que cet album-là peut l'être. Je veux dire, c'est très, très, très réfléchi. On a Kanye West aussi qui continue son truc, juste plein de charisme, plein de personnalité. Puis, je mentionnerais peut-être juste, on a parlé de Thundercat, on a parlé de Flying Lotus, il y a Kamasi Washington aussi, qui est un saxophoniste qui contribue aussi aux arrangements de ce film-là, de ce disque-là, qui fait aussi de la musique en solo, qui mérite d'être écouté par elle-même. Ouais. Alors, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Je sais pas, hein? Mais c'est quelque chose dont on peut parler très très longtemps. Ouais, clairement. Ouais. Et toi, as-tu des derniers mots? Ben, je pensais que t'allais me poser la question, en fait, vu que tu m'avais fait la recommandation. Je pensais que t'allais me dire, est-ce que tu penses que c'est un chef-d'œuvre? Ah, ben là. Ben, le truc, c'est que t'as pas mal résumé ce que j'allais dire de toute façon. Je pense que c'est un album qui... Je me répète, comme je le fais souvent... J'ai pas nécessairement la perspective pour être capable d'analyser cet album-là dans un contexte précis. Parce que quand on parle de chef-d'œuvre, souvent, on en parle par rapport à toute une œuvre, une masse d'objets qui sont faits. Mm-hmm. Mais c'est clair que cet album-là a de la mâche. Ouais. Il y a de la matière à réflexion. Tu peux puiser dedans, tu peux plonger dedans, tu peux y réfléchir. Puis pas juste au niveau des paroles, mais au niveau de la musique, au niveau de la production. Quand on parle de musique, on parle juste comme des instruments, mais on peut aussi parler juste de la production, comment les sons sont traités. Tout à fait. Je pense qu'on a potentiellement quelque chose comme un chef-d'œuvre. C'est important de garder une certaine humilité devant ça. C'est-à-dire que non, on sait pas tout. Mm-hmm. Mais c'est un album qui, je pense, inspire l'humilité. Puis il y a juste comme, OK, on est devant quelque chose qui me dépasse possiblement. Puis, voilà. All right, be humble. Ok, on va prendre un petit break. Ouais. Puis on va revenir avec un autre petit morceau de culture. Ouh.